Et salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. C'est notre troisième épisode. Mon nom est Guillaume Poulain, je suis votre animateur. Et pour se joindre avec moi encore cette semaine, nul autre que Renaud, le Rhino Giraldo. Salut Hey, Renaud. salut. En forme. Hey, le Rhino, c'est malade. As-tu d'autres surnoms là, que je connais pas à part un roux la nuit, peut-être? Le mangeur de gâteau. Le mangeur de gâteau, excellent. Avant d'entrer en ordre, je suis en train de manger une espèce de gros gâteau aux fraises que j'ai fait tantôt avec mon garçon. Génial. Écoute, je profite de notre épisode là pour juste lancer un petit message à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent depuis nos tout débuts, c'est-à-dire depuis 2 semaines. Raphaël Boisvert. Ouais, c'est exactement. Donc, Renaud nous a lancé une page Facebook. Donc, pour ceux qui aimeraient ça nous suivre sur Facebook, parce qu'on veut pas non plus achaler tout le monde sur les groupes Facebook de la planète qui ont rapport avec Magic, donc on va essayer de centrer nos informations sur la page Facebook de la balado. Donc, c'est Magic 101, balado québécoise de Magic the Gathering ou balado francophone, là, je l'ai pas noté. Québécoise de Magic the Gathering. Et donc, gênez-vous pas pour aller aimer la page, comme ça vous allez avoir tous les détails à propos de la balado. Aussi, Renaud, tu m'as envoyé un de tes textes qui n'a pas encore été publié, mais on voudrait que le site baladomagic101.wordpress.com, là où on dépose nos balados, que ce soit un lieu où, s'il y a des auditeurs qui ont le goût de discuter de Magic, qui veulent proposer des articles, en fait, qu'on pourrait éventuellement publier des articles à propos de Magic que vous écririez. Donc, vous pouvez, si jamais ça, vous avez en banque un article de Magic que vous aimeriez publier, vous pouvez nous l'envoyer à baladomagic101@gmail.com et ça pourrait être une façon de rendre la plateforme un peu plus dynamique. Renaud, cette semaine, le thème général de l'épisode qu'on va avoir, ça va être, on va discuter notamment des Worlds qui s'en viennent en fin de semaine, parce que ça va être quand même un événement, c'est un événement important dans l'année Magic, je trouve, ça fait toujours des belles compétitions, donc on va parler un peu de ça et des formats qui vont avoir lieu, mais avant, nous avons un invité spécial cette semaine, n'est-ce pas? Il s'agit d'un joueur québécois donc qu'on a pu voir, notamment dans un match qui a été diffusé en couverture pour le Grand Prix Gatineau, mais Grand Prix Ottawa, c'est nul autre que Philippe Asselin. Salut Philippe, ça va? Oui, ça va très bien, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content. L'élève qui a dépassé le maître. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est quoi? Phil, c'est ton élève, Renaud, c'est ça? Entre guillemets. C'était. Pense qu'on peut dire ça désormais. Vous êtes rendu des collègues. Oui, c'est ça. Donc, merci Philippe de te joindre à nous. Écoute, c'est vraiment le fun de t'avoir. Depuis quand on a commencé la balado, moi et Renaud, on t'avait déjà en tête pour une entrevue. Puis depuis, ben, t'as fait quelque chose de quand même assez remarquable au Grand Prix Ottawa. Si ça te tente, on va commencer par parler de ça, du Grand Prix Ottawa en tant que tel. Donc, on a eu la chance de te voir en match diffusé par l'équipe de coverage de Wizards of the Coast. Comment c'était de jouer comme ça, sous les caméras, les feux de la rampe? Je t'avoue que c'était très, très intéressant. De base, de pouvoir se rendre là, ça veut dire que tu fais un bon score jusqu'à ce que tu puisses aller devant les caméras. À ce point-là, j'étais 5-0, c'est-à-dire que j'avais gagné 3 matchs. J'avais eu 2 bails aussi pour me rendre jusque-là. Mais juste de base, de pouvoir jouer contre David Ochoa, quand même un joueur assez respectable, ça, c'était quelque chose. C'est vraiment, en fait, même sans avoir eu de feature match, ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Puis, une fois que tu t'assois et que tu sais pas encore que t'as un feature match, par la suite de savoir que t'as un feature match, c'est vraiment... Ça rajoute une petite pression, mais je dois t'avouer que c'était pas quelque chose qui était très, très stressant. OK. Je suis quand même allé là, puis non, c'est vraiment cool. Je me suis dit que j'allais jouer une game de Magic comme n'importe quelle autre. C'est sûr que tu veux moins faire d'erreurs, je pense, parce que tu vas être devant les caméras. Puis, ben, c'est ça. C'est sûr que, mais... comme on va en parler bientôt, ben, il s'en est passé quand même. Mais reste que, pour moi, ben, c'est une autre game de Magic. Puis, une fois que t'es juste assis, puis que tout est seté, ça reste que tu dois jouer, puis que tu dois faire le moins d'erreurs possible, que tu dois bien jouer. Puis, c'est sûr que, en tant que tel, j'ai joué aussi contre d'autres gros joueur entre guillemets. C'était pas la première fois là, que je jouais contre un joueur que je savais qu'il était très bon. Donc déjà là de base, ça enlève beaucoup de stress parce que tu te dis que t'es capable de gagner contre ce genre de joueur-là. Fait que sans être nécessairement d'égal à égal, ben peut-être aussi, mais c'est vraiment juste de dire que c'est un autre une autre jeu de Magic, puis ben, tu rentres là-dedans la tête haute. Ok. Pas puis... pour rentrer Philippe, Guillaume, mais c'est à Washington en, c'est en 2013, qui avait battu pour faire jour 2 du Grand Prix Legacy William Johnson. Ouais, Yui. Mm-hmm. Qui était sur une streak de la mort là, en SCG Open, qui venait de gagner comme je crois, 3 SCG Open avec Sneak and Show. Philippe l'a battu au Grand Prix sur Bubble Match, c'est sur la bulle pour faire jour 2. Ça, c'était déjà pour la confiance en 2013, c'était déjà un gros boost. En 2013? C'est en 2013. C'était en 2013. L'année passée, ouais. Ouais. Et il me semble, j'ai vu passer aussi que tu avais joué contre Craig Wesco, si je ne me trompe pas. Ben, ça aussi, je veux dire, c'est assez récent. Durant le Grand Prix Boston, le deuxième qu'on a fait, nous, c'était un Grand Prix moderne. Durant le jour 1, j'ai dû me battre contre d'autres personnes, bien sûr, mais contre Craig Wesco, oui, que j'ai battu, puis contre Alexander Haim, qui jouait là, des decks qui connaissait très bien. Donc, Craig fond... Wesco, il jouait justement là, Black White Token. Puis Annie joue Spin the Twin, quelque chose qu'ils sont assez habitués de jouer. Donc, dans le fond, en allant Grand Prix Ottawa, quand tu as su que tu avais ton match diffusé contre David Ochoa, tout ce bagage-là que tu avais acquis, dans le fond, t'a servi à quoi, à mieux te concentrer puis à savoir que bon, tu avais une chance, puis ça t'a un peu quoi, pas calmé, mais tu te croyais en tes moyens à ce moment-là. Ben c'est sûr que je dois le dire que juste, même sans savoir que j'avais un feature match, en y allant, parce que tu veux pas, comme tu cherches où est-ce que tu dois jouer, tu vois contre qui tu vas jouer durant les pairings, puis je dois jouer que j'ai contre lui. Il y a eu un petit stress comme cabarque toujours juste avant que je m'assoie, mais après ça va toujours très bien là. Puis c'est vraiment juste par la suite que je me suis rendu compte, parce que je suis allé voir comme d'autres gens comme que je connais qui viennent du Québec, qui ont pas nécessairement eu ce bagage là de pouvoir jouer contre des gros joueurs, puis qui disait bon, tabarouette, tu dois être comme assez pas impressionné, mais juste un peu nerveux, je me dis. Mais juste exactement, juste nerveux de jouer contre ce genre de personnes là. Puis j'y pensais, je faisais ben non, plus nécessairement. Puis c'est pas que je pense pas que c'est encore des très bons joueurs, c'est juste que tu rentres puis t'as vraiment une meilleure confiance là. Fait que c'est sûr que ça aide. Ok, excellent. Puis si on parlait dans le fond des matchs en tant que tels, parce que en te voyant jouer, ça nous a appris un peu sur la façon que tu approchais le format, entre guillemets, au sens où peut-être la première surprise que moi j'ai eue en te voyant jouer, ben ne serait-ce que de jouer deux couleurs aggro en sealed, est-ce que toi c'était une voie que, parce que tu jouais Boros, je pense, ouais. On a vu ton deck juste une fois, mais il n'y avait pas de splash d'une autre couleur? Non, il n'y en avait aucun. Ok, donc quand tu as eu ton pool de cartes, est-ce que c'était évident qu'il y avait un deck aggro puis tu pensais que c'était le meilleur deck de ton pool, ou c'était quoi ta stratégie exactement quand tu es rentré, quand tu as eu ton pool? Parce qu'on a vu que, pour ceux qui n'ont pas vu le match, vous pouvez voir, il est sur notre page de la balado, mais pour ceux qui l'ont vu, après le match 1, tu as complètement changé de deck. Donc, avant d'aller là, qu'est-ce qui t'a fait voir que ton deck Boros, ça valait la peine que ce soit ton deck que tu enregistres, que ce soit le deck que tu joues dans tes premiers matchs? C'est sûr que c'est quelque chose qui se passe justement quand t'enregistres ton deck, c'est-à-dire que quand tu vas le voir, puis quand tu vois tout ton pool. Moi, ce qui m'a vraiment frappé de mon pool, justement, c'est que oui, il y avait beaucoup de bonnes cartes. Il y avait beaucoup de cartes comme multicolores, qui étaient surtout des murs qui s'agençaient bien. Mais surtout, ce que j'ai vraiment aimé de mon pool, c'est qu'il y avait beaucoup de bonnes cartes mono-blanc. Des cartes juste blanches, qui étaient vraiment très bonnes. Je veux dire, j'avais deux Fleet of Resistance, j'avais deux Mardu Horde Chief, puis surtout un Wingmate Rock. Ça, des grosses cartes, je me suis dit que peu importe ce qui se passait, c'est quelque chose que je voulais jouer, parce que il y avait beaucoup de bonnes cartes blanches. Il y avait au moins comme 13-14 cartes blanches qui allaient dans mon deck. Par la suite, j'ai vraiment vérifié avec quelle autre couleur ça pourrait mieux s'agencer. Puis le rouge était pas mal la meilleure option. Puis moi, en fait, c'est pas que je pense que les decks de couleurs en seal vont être nécessairement meilleurs, mais en tant que fixing dans toutes mes cartes, j'avais très peu de fixing, que ce soit même avec mon deuxième deck, qui était comme Temur, j'avais juste deux lands ou peut-être trois qui fonctionnaient. Mais mon deck Boros, justement, c'est ce qu'il y avait de vraiment bon pour lui. C'est-à-dire qu'il y avait juste deux couleurs, il y avait une carte qui fixait, puis c'est ça, il y avait vraiment la meilleure consistance là, pour être un deck plus agressif. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je suis allé avec ça pour mes gamers. Ça m'a vraiment beaucoup aidé durant plusieurs matchs. C'est sûr que le fait de pouvoir curver une belle curve de peut-être un, où tu commences des fois plus souvent à deux maintenant avec une carte, pour aller jusqu'à Wingmate Rock, c'est rare qu'un deck puisse revenir de ça, justement. Donc, pour mes gamers, c'était vraiment pratique. Puis, dans le fond, on a vu, dans le match que moi j'ai vu, dans le fond, bon, ton deck, Boros, t'as perdu le premier match et t'as gagné tes deux autres d'ensuite. Ouais. Est-ce que. On a vu, je pense que t'avais l'air d'avoir mulligané, là, j'ai pas compté les cartes, mais. Ouais. Okay, bon, ça, c'était une première. Je pense que c'est la première fois que je perdais ma game avec mon deck, justement, parce que j'étais descendu à 5 cartes. Puis, j'ai rapidement tombé en arrière, là. Question board puis Call Advantage. J'ai vraiment perdu beaucoup de. D'avantages comme ça, puis c'était un petit peu plus difficile de pouvoir gagner avec 5 cartes de base pour ce deck-là. Ouais. Puis sans avoir justement, puis chez mon Wingmate Rock, c'est quelque chose qui me désavantageait beaucoup. C'est surtout quelque chose que les gens ont pas vu sur le feature match, disons, c'est que le deck en rétrospective, il basait beaucoup sur le fait que je pouvais justement jouer à toutes les parties que je pigeais, là, mon Wingmate Rock. C'est peut-être justement ça qui a fait que je voulais plus jouer ce deck-là. Ouais. Mais je suis quand même content d'avoir pris l'initiative durant ce match-là, justement, de changer pour un deck qui était peut-être moins agressif, mais qui était plus stable, puis qui avait des meilleures cartes, là, en général, au-delà de juste une bonne carte qui est Wingmate Rock. Parce que, justement, vous avez vu, dans The Clay, il y avait quand même Savage Knuckleblade, il y avait Surrey Dragonclaw, il y avait beaucoup de bonnes cartes, en général, que ce soit comme des communes, comme Snorn Rider, puis ouais. Des trucs comme ça, fait que... Ça a vraiment aidé le deck, je pense. T'avais l'air d'avoir ça beaucoup de monde. Ouais, quand on est allé, on avait un spécial pour les gens qui se lèvent tard, pour les gens qui ont des bails. Puis quand on est allé pour faire nos decks, j'ai demandé à Philippe de ranger mon Batter Skull dans son cartable. Fait qu'il sort son sac, mais c'est pour sortir son sac, il me dit tiens-moi ça, puis il me donne son pool de cartes. Tu peux le prendre si tu veux. Justement, il l'avait senti, puis il dit ça sent les oiseaux. Puis je suis pas mal que quand il a vu l'oiseau dedans, il s'est dit faut que je joue mon oiseau, ça va pas mieux. Mais c'est sûr que. C'est béni des dieux, mais peut-être que c'était pas la meilleure chose à faire au final. Ben, c'est ça, dans le fond, moi, ma question, c'est que. Nous, mais on a vu. On s'entretient des mythes sur le quoi que Wingmate Rock, c'était la carte, une des cartes les meilleures à jouer en Sylve. C'est vraiment difficile à gérer. 2, 3, 4 flammes. Ben oui, c'est clair. Puis dans le fond, c'est en plus, avec une curve qui est basse, t'étais quasiment tout le temps certain d'activer le raid, dans le fond. Donc, c'est sûr que ça devait être tentant à jouer. Puis dans le fond, au-delà du match contre David Ochoa, tu dis que quand même ton deck Boros était quand même performant, puis t'as aimé le jouer, là. Ouais, exact. Je veux dire, comme dès la première ronde, c'est-à-dire la ronde 3, parce que j'avais deux bails, je suis rentré, j'ai joué le deck deux fois de suite, parce qu'il est vraiment bien sorti dans la game 1. J'ai gardé pour ma game 2. J'ai gagné cette ronde-là en moins de 10 minutes, puis j'étais vraiment confiant du deck. Mm-hmm. C'est sûr que peut-être que c'est une question là d'échantillonnage, c'est-à-dire que ces deux games-là étaient comme deux games vraiment parfaites, mais quand même, c'est quelque chose que j'ai vu que mon deck pouvait gagner. Même plus tard, je pense que c'était ronde... peut-être 7 ou 8, j'ai gagné une game avec mon deck juste en Boros, sans avoir, comme jamais vu, le Wingmate Rock. C'est là que tu vois que le deck se tenait quand même là, sans la grosse bombe là, du deck. Et dans le fond, si on revient à ton match, on a remarqué au tout début un peu certains gestes de nervosité, mettons, je me rappelle plus c'est quelle carte exactement, bon, tu mets pas la bonne carte sur la table. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est vraiment de la nervosité ou tu sentais-tu que c'était le contexte qui faisait que, bon, je joue contre David Ochoa, je suis dans un feature match, tout ça est dans ta tête ou quand c'était juste un autre match de Magic puis quand ça a commencé, c'est juste que là, les erreurs paraissent un peu plus parce qu'on les revoit en reprise, mais est-ce que tu sentais qu'il y avait une différence quand t'as joué? Parce que tantôt, tu m'as dit, ah, quand je suis allé, je me sentais prêt, tout ça, mais quand t'es là à jouer contre David Ochoa, qu'il y a des caméras sur toi, est-ce que tu penses au contexte ou c'est vraiment un autre game de Magic pour toi? Ben, je te dirais que justement, à ce point-là, le contexte, justement, là, que ce soit d'être sur le feature match, c'est une chose, puis de jouer contre ce joueur-là sans une deuxième, ben c'est quelque chose qui rentrait quand même. Puis c'est vrai que j'étais un petit peu plus stressé, là, je me rappelle justement là, de vouloir bien faire juste comme les choses parce que justement, t'es dans ce contexte-là. Puis justement, j'ai montré un Arrowstorm au lieu de vouloir jouer mon Valley Dasher qui était comme la carte que je devais jouer ce tour-là. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. Ben, c'est sûr que à ce moment-là, ça a comme rentré. Puis je me suis dit que je voulais pas justement que cette petite erreur-là comme me hante pour les prochaines games. Je me suis ressaisi, je pense, à partir de ce moment-là. T'sais, j'ai perdu cette game-là, mais je savais que j'avais un un meilleur plan de sideboard, puis que je devais bien jouer pour le reste, puis j'ai juste fait. Puis Oui, parce le que reste des parties, j'ai pas vraiment eu là, justement comme de moment où est-ce que j'étais juste comme j'étais aussi stressé qu'au départ. Au cours de la game, la troisième partie, t'as Chump Block avec ton Sambar, son attaque. Tu étais à 7 de vie à ce moment-là. Puis les commentateurs ont dit ah, oh, il a réalisé que David Ochoa avait un Arrow Storm dans ses mains, puis c'est pour ça qu'il a jumpé. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais vraiment au Arrow Storm ou tu veux juste préserver ton point de vie pour n'importe quoi qui pourrait arriver? Non, mais j'avais pas entendu justement le commentaire des commentateurs parce que j'ai même pas vu le vidéo encore. Mais je me rappelle justement, comme tu dis, qu'à ce point-là, je savais que si je prenais deux, j'étais en range justement de me perdre un Arrow Storm. Parce que c'est pas mal le. Tu sais, comme quand tu joues beaucoup le format, tu te rends compte qu'il y a très peu de points de reach, que ce soit Arrow Storm ou Arc Lightning, qui fait juste 3 au maximum. Les autres cartes qui donnent beaucoup de reach, c'est Creator's Clock, une rare quand même, fait que c'est un petit peu dur de jouer autour, mais jouer autour de Arrow Storm, c'est quelque chose qui se fait quand même bien, puis justement, j'ai fait ça pour ça, je me rappelle. Oui, parce que à ce moment-là, tu vois, Ben Stark disait que quand tu as fait ce choix-là pour lui, là, il a dit, ah, t'sais, on a devant nous du Magic de qualité. Là. T'sais, pour lui, c'était un jeu qui était pas nécessairement évident, puis que tu as pris la bonne décision. Parce que si tu réécoutes, tu vas voir, c'est intéressant parce que il y a comme une mentalité à Magic chez les joueurs d'élite. Là. C'est bien, c'est de toujours trouver le. Il appelle ça en anglais de correct play. C'est que comme chaque situation de Magic a techniquement un jeu optimal, une ligne parfaite, dans le fond, qui serait la bonne. Et tu t'entends souvent Ben Stark commenter, mettons, une ligne que tu vas choisir avec une ligne que lui peut-être aurait choisie. Par exemple, je me rappelle, à un moment donné, je pense que c'est dans le game 1, oui, t'as bloqué. Il y avait un Morph sur la table et un Alabasterkin. Alabaster, et ils ont attaqué avec ces deux et t'as bloqué avec ta créature flying, le Alabaster, puis là Ben Stark t'es là, ouais mais s'il flip un Ifrit, tu sais dans le fond tu vas perdre ton ta créature, donc il était pas sûr du bloc, tout ça finalement ça a été un bon bloc parce que c'était pas un Ifrit, tout ça, donc c'est intéressant de voir le jeu que toi tu choisis, puis le commentaire de Ben Stark, si t'as pas encore écouté, je te conseille de l'écouter parce que c'est fort intéressant, puis très souvent, plus ça va, plus ils reconnaissent la qualité de plusieurs de tes choix. C'est bien intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris en écoutant le match, d'ailleurs. Mais pour ce bloc-là, justement, ben c'est ça. C'est que je pensais moins à l'Ifrit Weapon Master qu'à un Cannon Lurkers qui finalement, était ça. Ouais. C'est sûr que dans les deux cas, sans savoir nécessairement qu'est-ce que l'autre peut jouer, il n'y a pas vraiment de bon bloc, finalement. Tu peux pas comme savoir parce que ça reste des cartes morphes dans un match que tu n'as pas encore vu. Avec son adversaire pouvait jouer. C'est sûr que justement, c'est pour ce point-là, je vais juste dire à nos auditeurs que c'est toujours bon de prendre des notes sur ce que vos adversaires vont vous jouer. C'est moins pratique quand vous jouez des formats construits parce que justement, vous savez pas nécessairement qu'est-ce qu'il peut jouer. Puis souvent, en fait, c'est comme plus clair parce que les listes sont quand même très similaires. Mais dans un format sealed, c'est vraiment bon de savoir justement exactement qu'est-ce que votre adversaire joue. Pour pouvoir jouer autour durant les games subséquentes, parce que justement, pour ces démorphes, disons, il y en a un nombre limité. Puis en plus qu'en général, il y en a un nombre limité, dans leur deck, il y en a juste certaines. Puis c'est plus facile de jouer autour quand vous savez exactement lesquels morphs sont passés et lesquels morphs ils pourraient avoir. Fait, pour ça. C'est intéressant. Puis est-ce que toi, tu te fies à ta mémoire ou bien tout le long du match, tu notais quand tu voyais des morphs? Je fais juste toutes les noter parce que justement, ben. Quand tu. Si c'est juste ta mémoire, ben c'est quand même des failles. Ouais, ok, c'est intéressant. Toi, Renaud, est-ce que tu as cette habitude-là aussi de noter les morphs? Est-ce que tu as fait ça pendant le tournoi? Oui. Excellent. Ben, mais à un moment donné, je les notais pour voir qu'est-ce que je pouvais essayer contre ce type de morph-là que j'avais vu, pas pour essayer de deviner si j'en revoyais une dans la deuxième partie ou pas. Là, parce que. Faut juste essayer de. Sauf plus lire qu'est-ce qu'il fait avec sa morph, comment il attaque, comment il décide de ne pas bloquer ou des choses comme ça. Ça donne des indices sur combien peut coûter pour déflipper ou des choses comme ça. Mais en tant que tel, pour deviner, là, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche vraiment. Là. Fait que Puis là, dans le fond... Philippe est d'accord avec ça. non, c'est clair, je veux dire. Reste que... Est-ce que c'est rendu de comme deviner, mais comme tu dis, c'est que la manière dont il va jouer avec ses morphs, parce que ça reste des 2-2, puis selon le nombre de mana qu'il a, puis selon le nombre, les attaques qu'il va faire avec, c'est plus facile de justement le savoir. Même sans avoir vu toutes les morphs de son deck, c'est facile, parce que dans le format, il y a certes juste certaines morphs de disponibles, puis ils ont toutes, en fait, là, des coups pour les démorphés qui leur sont propres, fait que c'est facile de savoir, là, même sans avoir vu tous ces morphs-là. Ça peut être un peu télégraphié, là, selon ce qu'il laisse d'ouvert, tout ça. Dans le fond, là, Phil, toi, tu fais ton feature match, tu réussis à revenir de 0-1 pour gagner 2-1 contre David Ochoa, puis à partir de ce moment-là, tu es 6-0, tu viens de gagner un feature match contre un pro. Comme disent les Chinois, sky is the limit, rendu là. Comment tu te sentais après ce match-là? Je sentais vraiment bien, tu sais, je voyais justement là que mes deux decks fonctionnaient parce que j'avais vu préalablement que mon deck Boros allait super bien. C'est sûr que là, c'est pas quelque chose qu'on avait vu durant ce match-là. Mais par la suite, mon deck Temur, c'est plus celui-là, à ce moment-là, que j'avais vu qu'il marchait vraiment bien. Puis il y avait beaucoup d'énergie puis qu'il pouvait bien sortir. Qu'on parle comme n'importe quoi. À 6-0, c'est sûr que à ce point-là, tu te dis que ça va faire jour 2 probablement. Il manque juste une victoire sur 3 pour pouvoir faire jour 2. C'est vraiment justement là de comme de se grounder puis se dire que faut faire le plus de victoires possible parce que au final c'est ça que tu veux. Si tu veux rentrer durant jour 2 avec le plus de victoires, possiblement un 9-0, c'est quand même compliqué, mais je tente peut-être de faire le 8-1. C'est pas mal ça le but. Puis finalement, t'as fait combien? J'ai fait 7-2 juste après avoir joué contre David Ochoa, j'ai joué contre Matt Costa. Okay, ouais. Ah, c'est ça. Je joue contre Matt Costa, puis son deck était vraiment très bon. Il m'a sorti de manière assez considérable durant Game 1 puis Game 2. Son deck était très solide, puis j'ai juste perdu celle-là. J'ai gagné une autre par la suite. Ah, à ce moment-là, j'étais 6-2. J'étais 7-1. 7-1. J'étais 7-1, puis tout allait bien. Fait que je gagne une autre parce que je me disais justement que rentrer 8-1 durant le jour 2, ça va vraiment mieux. Puis j'ai perdu une game assez crève-cœur, là, round 9, parce que justement, je sentais que game 3, ça allait super bien, que je prenais le dessus. Puis quand je prenais le dessus, justement, il a résolu un deck true time qui l'a mis considérablement en avant. Fait que j'ai perdu cette game-là, puis j'ai fini 7-2. OK. Puis dans le fond, là, le lendemain... toi, tu fais jour 2, le lendemain, c'est format draft, mais avant de passer peut-être à jour 2, toi, Renaud, également, tu étais là-bas au Grand Prix. Si on met un peu un terme au sealed, toi, Phil, et toi aussi, Renaud, peut-être, est-ce que le Grand Prix vous a appris quelque chose à propos du format sealed ou c'est pas mal arrivé comme ce que vous vous attendiez, vous étiez bien préparé. Phil, tu étais bien préparé, tu trouves, pour le format. Évidemment, ton score nous dirait que oui, mais est-ce que ta vision du format a évolué en sealed précisément ou c'était pas mal ça à quoi tu t'attendais? Ben, je te dirais que juste en général, d'être avec beaucoup de joueurs qui ont justement peut-être plus sealed le format que moi, puis juste d'être comme dans ce bain-là durant comme cette journée-là, puis la journée juste précédente, puis d'en parler beaucoup, ça aide à peut-être s'ouvrir... les yeux sur quand est-ce que le format doit se dérouler, que ce soit de la construction de deck, justement, là, d'être peut-être plus alerte sur le fixing, d'être plus alerte sur le fait que ça va être principalement deux couleurs, en avoir une qui va tout le temps être plus splashée pour que ta mana base soit plus consistante. Mais c'est des choses qui sont plus générales. Durant mes matchs, c'est sûr qu'il y a, j'ai rien eu que de vraiment comme marquant là, sur comme juste comme de dire que je faisais quelque chose de mal. Je pense que comment est-ce qu'on a fait nos decks, c'est assez comme il aurait dû être, mais juste de voir finalement que peut-être mon deck Temur était pas si mal que ça, puis qu'il aurait pu justement être comme un deck de première partie, parce que justement, même s'il n'y avait pas de fixing ou presque peu, les couleurs se tenaient bien, puis c'est un deck qui justement est comme plus stable en général, puis qui reste pas sur juste... une bombe là, pour gagner la plupart de ses parties. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui font juste venir comme te voir puis te montrer leur seal, puis juste comme te faire voir qu'est-ce que puis juste comme pour savoir qu'est-ce que toi t'aurais fait avec cette seal-là. Fait que c'est de construire plusieurs seals aussi, puis de voir à chaque fois qu'est-ce qui est mieux, puis remettre en question comme tout le temps comme leur choix, puis tes choix qui fait comme que t'avances. Mais non, je pense que en général, t'es quand même bien préparé pour ce Grand Prix-là. OK. Renaud, avant de passer au jour 2, toi, autre chose sur Format Sealed ou on passe à jour 2? Moi, j'ai rien de plus à rajouter vraiment sur le format sealed, puis que ce qu'on a dit dans le deuxième épisode. Je tiens encore mes positions. Je suis pas mal convaincu de tout ça. Ça s'est pas vraiment très bien passé pour moi parce que le pool était très faible. Je l'ai montré à Philippe après, puis oh mon Dieu, c'était pas drôle. Puis essentiellement, il fallait que je trouve le moyen de tuer avec des Whirlwind Adept, là, des 4-2 Explode Prowess, puis Flame Cream Technique ou Icy Blast. T'sais. C'était un peu ça le plan de match. Puis dans tout le pool au complet, j'avais 3 2-drop. Et puis pas vraiment de bons 3-drop. Puis mes bombes c'était Icy Blast puis Flame Cream Technique. Fait que C'était mince. c'était quand même un petit peu désagréable, là. Tout de suite, quand j'ai vu le pool, je l'ai ouvert, je l'ai regardé, puis ça m'a pris un bon, là, 3-4 minutes à accepter le fait que j'allais avoir un pool de dump, là. Puis ensuite de ça, à accepter le fait que je ferais pas jour 2 avec ce pool-là. J'étais convaincu que j'allais pas faire une bonne performance, puis ça c'est... Je m'assoyais devant mes adversaires, puis je partais avec un retard juste à cause des cartes qu'il y avait dans mon deck. Ouais, c'est Il y a ça. peut-être deux, trois cartes là, que j'ai mal construites, que j'aurais pas dû mettre dans mon deck du tout, puis que j'ai remplacé par d'autres, que j'ai pas fait nécessairement les bons choix. Mais en général, là, j'avais pas vraiment les outils pour faire un bon deck. J'aurais pris la moitié du pool de Philippe, puis j'aurais fait une meilleure performance que ça. Ah, c'est clair, là. Il y a des jours, c'est ça. Seal, hein, c'est un format qui, des fois, quand même, on voit que la qualité du joueur est vraiment importante parce que quand on regarde les joueurs qui ont gravité autour du top 8, là, il y a plusieurs gros noms, mais c'est clair qu'à un moment donné, t'as des limites, puis les cartes que t'as, il y a des fois où c'est dur à traverser. Donc, Phil, si on reprend un peu sur ton expérience, là, toi, tu t'en vas chez toi, t'es 7-2, et tu t'en vas à l'hôtel, en fait, puis comment tu te prépares pour le lendemain? Est-ce que c'est dodo ou bien vous faites quelques drafts pour te préparer? Comment tu t'es préparé à jour 2? C'est sûr que faire un draft le soir même, je pense pas que c'est la meilleure chose. C'est d'en avoir fait préalablement beaucoup qui va vraiment aider. Moi, je préconise beaucoup là, de dormir puis comme d'être prêt pour le lendemain parce que finalement, c'est une journée qui commence assez tôt. Avoir beaucoup de sommeil, je pense que c'est beaucoup mieux que juste clouer sur quelque chose que tu sais déjà. Je veux dire, on a beaucoup drafté. Que ce soit comme Renault, que ce soit en ligne ou dans les side events, on a même commencé à faire ça genre au New Jersey parce que on n'avait pas fait jour 2. On faisait juste plein de drafts. Puis en général, je pense que notre stratégie pour drafter, elle est super bien. On savait ce qu'on voulait. Mais c'est ça, justement, là. Je pense que pour ce qui est de la veille, c'est toujours mieux de juste comme prendre du repos que de continuer là, peut-être. Puis souvent, c'est que quand tu vas être directement devant le jour 2, c'est plus facile de justement comme partir avec d'autres idées, puis de s'accrocher à ces idées-là qui sont peut-être pas les meilleures idées parce que justement tu les prends comme sur le fly, plutôt que juste d'y aller avec comme l'expérience que tu as acquis là sur une ou deux semaines. Fait que Ben, non, j'ai c'est ça mis juste. sur le site de Balado WordPress un deck que je draftais avec Philippe avant le Grand Prix, un deck de Secret Lands. Puis au Grand Prix, moi j'ai gagné deux drafts en draftant Boros aggro avec des Feats of Resistance, Barrage of Boulder, Trumpet Blast. Puis des Jeskai, des Jeskai Student, des Mardu Archief, Ordling Outburst. Puis Seth Manfield jouait ça dans le top 8. Ben ouais, c'est ça. Il jouait contre le deck de Secret Plan. Fait que, comme on avait réalisé là, que c'était probablement ça les meilleurs decks, puis si on était capable de drafter ça, ça allait bien se passer. Pas pour dire qu'on avait brisé la metagame ou quoi que ce soit, là, mais on avait réalisé que c'était des decks qui permettaient de passer beaucoup de dégâts. Barrage au Boulder puis Trembler de Glace, ça permet de passer beaucoup de dégâts sortis nulle part. Puis le deck de Secret Plan, c'est un des decks qui a les meilleurs, le meilleur outil pour piger dans le format. Ouais. Fait que Puis dans le c'est pas fond, le meilleur, le plus avantage les morphs, là. puis fait que toi, Phil, quand tu t'enlignais pour le jour 2, ton plan, c'était quoi? Est-ce que tu t'enlignais pour un de ces deux decks-là? C'est tout ça quand tu dis que tu avais un plan pour le draft, c'était vers ces deux decks-là que tu allais un peu essayer de te diriger si les cartes étaient présentes? C'était quoi ta stratégie pour la période de draft du jour 2? Ben, c'est justement un petit peu ça. C'est pas de se diriger vers un de ces archétypes-là, c'est vraiment plus de savoir qui existe. Savoir que Secret Plans, puis juste un deck de base bleu-vert, ça va être super bon. Même chose pour un deck base Boros ou base Orzhov, justement, qui vont être peut-être avec comme des petites comme tangentes là, pour un splash, si ça se passe. Mais c'est justement de voir qu'il y a des archétypes qui vont quand même bien plus que d'autres. Puis dans la suite, ben, de voir, comme d'habitude, comme n'importe quel draft, de voir comme qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que tu vas ouvrir, qu'est-ce que les gens vont juste comme te passer, puis de bâtir à partir de ça. Mais c'est ça. Juste comme c'est des stratégies là que tu sais qui sont existantes puis que tu peux favoriser si jamais tu as comme un choix là, qui se présente. OK, puis qu'est-ce qui s'est passé pour toi jour 2? Ça s'est déroulé comment? Ben justement, ma première table, c'est une table qui était assez forte. J'étais encore avec David Ochoa qui était à ma gauche. J'étais avec un joueur de Montréal qui était très très fort à ma droite, qui avait Setman Field sur notre table aussi, OK. l'éventuel gagnant là, du Grand Prix. C'est des gens qui draftaient super bien. Je connaissais pas beaucoup les autres là, gens de mon draft de 8 personnes. Mais en général, je dirais que le draft s'est assez mal passé, dans le sens où je voyais pas vraiment le genre de commune ou d'uncommon que je voulais vraiment avoir. J'ai drafté base noire, qui est une couleur que je draftais comme très rarement. C'est sûr que je suis allé pour beaucoup de mouvoirs des créatures quand je pouvais. Mais finalement, là, c'est pas un deck là, que j'étais très à l'aise de jouer parce que vraiment, c'est pas vraiment une chose là, d'y aller. J'étais plus noir-bleu. Puis noir-bleu, ben, c'est pas vraiment quelque chose que j'avais drafté avant. Puis Ouais. je pense que c'est même pas une chose, point. Ouais, je pense qu'il y a noir bleu zombie, il y a comme un sous-archétype là, mais c'est bien bien marginal. Puis non, effectivement, c'est pas à part si tu es vraiment soul type, tu réussis à avoir quelque chose de vraiment bien, mais C'est ça. Ben, je plaçais Sultai justement pour des Abnation of Gudule. Ils sont juste très bons, mais ça faisait pas le deck, là. C'est pas ce qui faisait que je pouvais gagner Okay. des parties juste à cause de ça. J'avais quand même beaucoup de removal. Je veux dire, j'avais trois Debilitating Injury, j'avais trois Throttle, j'avais des Rites de Serpent, mais c'était pas assez là pour gagner des parties. Et là, David Ochoa est à ta gauche. Est-ce que, donc, après, t'as rejoué contre lui? J'ai rejoué contre lui durant ce draft-là, durant la deuxième ronde, je pense. Puis on parlait justement là, de nos drafts, puis comment est-ce que lui-même était pas très, très satisfait de son deck. Puis il se demandait là, si je savais comme qu'est-ce qu'il jouait. Puis il avait un petit peu là, vu que je draftais noir, puis il y avait beaucoup de cartes noires qu'il savait qui me passaient. Mais au-delà de ça, c'est ça. Il m'a quand même battu. Parce que justement, comme je te dis, mon deck était pas super. Puis mon deck, il espérait beaucoup comme gagner sur des cancels, sur le fait que ça va être plus lent puis que je vais pouvoir contrer certains spells. Mais bon, c'est ça. Ça a pas fonctionné. Et puis à partir de là, tu sentais que les chances de finir près du, disons, top 64 descendaient de plus en plus. En bout de ligne, donc toute ta portion draft s'est pas déroulée comme tu voulais. Tu as terminé avec combien comme. J'ai terminé 8-7, qui est OK. vraiment Ah un score assez médiocre, mais ça me dérangeait vraiment pas. Je veux dire, même si j'ai appris le premier draft, je me suis pas comme abattu sur mon sort là. Je voulais quand ouais. même avoir comme un draft très très raisonnable pour le deuxième. Puis je me suis dit en fait là, que j'allais drafter le mieux possible. Puis finalement, même le deuxième draft là, c'est pas très bien passé. Mais c'est ça. Puis est-ce que t'aimes drafter? Est-ce que c'est un format que t'aimes? Est-ce que ça fait partie de tes formats favoris, par exemple, si on parle en général à Magic? En général, je dirais que c'est comme le format que je préfère juste parce que c'est pas quelque chose que je suis vraiment, vraiment très bon. OK. Pour ce format-là, qui est 15 offres d'acquérir limité. Drafté, j'étais quand même assez confiant parce que ça allait relativement bien. J'ai drafté des decks corrects, puis je comprenais un petit peu plus là, que dans certains formats. Je dirais qu'en général, drafté, c'est quelque chose que j'aime bien faire, juste que ce soit comme pour le plaisir ou juste parce que justement, ça fait quelque chose de différent. C'est sûr que je suis plus un joueur construit, mais drafté, c'est quelque chose que j'aime quand même bien faire. Puis non, c'est ça. Okay. C'est sûr que pour ces drafts-là, je suis un peu plus confiant que pour d'autres formats, parce que comme des fois, je fais juste comme pas drafter suffisamment certains formats, ce qui fait que je suis moins à l'aise justement là, de faire des drafts plus compétitifs. Mais que ce soit comme durant le jour 2 de Grand Prix Ottawa ou durant le top 8 d'un PTQ dans la FS 3-4 semaines précédemment, c'était bien passé. Mais encore là, justement, ça avait pas débouché, même si mon deck, je pense, était meilleur que les deux decks que j'ai draftés là, durant le jour 2. J'aime bien le format, ça. Fait que dans ce temps-là, comme quand j'ai une meilleure connaissance du format, j'aime bien drafter. Mais en général, c'est pas mon format préféré. OK. Puis dans le fond, on sait que dans le top 8 de ce Grand Prix-là, de Grand Prix Ottawa, qui était à Gatineau, il y a eu deux Québécois qui ont fait le top 8. Il y avait Pascal Ménard et Xavier Aleguchi. Est-ce que tu as eu à jouer contre eux pendant ton jour 2 ou jour 1 même? Non, j'ai pas joué contre eux. OK. C'est ça. Pascal, c'est quelqu'un que je connais bien. Xavier, je l'ai déjà croisé justement là, parce que il vient de Montréal. Puis des fois, tu croises des gens comme ça, puis tu sais qui joue bien, mais je le connaissais pas vraiment. OK, puis est-ce que tu as senti, puisque Magic 101, on essaie tranquillement d'essayer de réseauter les joueurs, puis d'essayer de créer tranquillement une communauté de joueurs qui se connaissent, qui s'entraident et tout ça. Est-ce que tu as senti qu'à Grand Prix Ottawa, il y avait quand même des regroupements de joueurs québécois qui, tu sais, là, si on pense à justement Pascal Ménard, qui lui est de la région de Québec, il était avec un groupe de joueurs aussi comme vous, parce que vous étiez un groupe de joueurs à vous déplacer là-bas, là. Ouais. Exact. En fait, ben c'est sûr que tout le temps, premièrement, les amis proches, ceux avec qui ils vont juste voyager, qui encouragent beaucoup, mais juste en général, les joueurs du Québec aimaient vraiment ça, là, voir justement comme Pascal ou Xavier se rendre dans le top 8. C'est sûr qu'à ce point-là, souvent, c'est un petit peu plus plate, parce que c'est vraiment dur de voir justement à quel point ces joueurs-là vont avoir du support, parce que on est comme tard durant le jour 2. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens là, qui vont avoir juste comme partie de l'événement parce que justement, ils ont beaucoup d'autres affaires. Mais tu sentais qu'il y avait beaucoup de support là. Ah, c'est super ça. Tant mieux, mais ça, en fait, à le dernier épisode, Renaud, on avait parlé qu'on espérait peut-être avoir des joueurs près du top 8. Fait que là, on a eu une belle performance de Phil, belle performance de Pascal et Xavier. Donc, c'est le fun quand même pour la communauté québécoise de joueurs de Magic. Parce que si tranquillement, on... aussi Bruno-Pierre Morin, qui a fait le jour 2 aussi. Oui, c'est vrai, exact. Tout à fait. Mais c'est ceux qui étaient dans votre groupe de joueurs là, qui est allé à Gatineau, dans le fond. Là. Exact. En général, ben, je veux dire, juste comme passer un petit message justement, pour les joueurs qui venaient de Sherbrooke, on était quand même près d'une 14-15 de joueurs, puis il y a beaucoup de joueurs justement ici qui font moins de gros événements, mais en général, là, qui ont bien performé. Ils étaient tous pas mal 6-2 en rentrant dans la ronde 9. Ce qui est vraiment dommage, là, c'est qu'il y a juste moi et Bruno-Pierre Morin qui ont pu se rendre jour 2. Mais ils ont en général fait de très bons résultats, puis je suis quand même fier d'eux. Ça, c'est très cool. Puis c'est vraiment plate, justement, qu'on n'ait pas été plus que deux. Mais pour revenir sur le fait que les joueurs du Québec, là, comme cette semaine, je suis quand même content parce que à chaque fois que je vais dans des tournois, qui soient comme des Grands Prix, à l'extérieur, tu vois tout le temps beaucoup de joueurs du Québec justement là, qui font comme jour 2, puis on se connaît comme toujours justement là, comme quand on s'assoit le dimanche matin, puis c'est très cool. Puis ça m'amène tranquillement, on avait... Excuse-moi. Oui, vas-y Renaud, vas-y. On est allé souper au Saint-Hubert après le premier jour, samedi, puis bon, il y a autre le fait qu'il y avait plus de poulet, on était 8 autour de la table. Puis il y en avait 2 sur 8 autour de la table qui avaient fait jour 2, c'est 25% de la table qui avait fait jour 2. Et il y a quand même juste 10% des joueurs qui font jour 2, donc c'est quand même un bon ratio encore. Ah oui, Sherbrooke. Non, mais clairement, Sherbrooke a une, je pense, une belle communauté de joueurs de Magic qui est bien représentée sur la scène provinciale, puis même justement nationale. Là. Je pense qu'on a quand même un beau bassin de joueurs à Sherbrooke. Puis c'est le fun si on peut ouvrir aussi les canaux de communication avec d'autres bassins de joueurs, comme on avait déjà parlé à l'émission. Dans le fond, donc pour ce qui est de ton expérience au Grand Prix, as-tu d'autres choses, des anecdotes, des trucs auxquels tu penses que tu as le goût de partager avec nous, des trucs que tu penses qui sont croustillants, n'importe quoi, un petit quelque chose que tu te rappelles, un petit souvenir? Vite comme ça, j'avoue qu'il n'y a pas vraiment. Il n'y avait plus de poulet au Saint-Hubert. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Là. Il y avait pas peut-être un en anglais, ils disent un shout-out à une serveuse. Il n'y avait pas une belle serveuse au Saint-Hubert ou je ne sais trop. J'ai vu ça. Il y a souvent de belles serveuses dans nos restaurants. Mais, okay. Mais oui, spécialement cette fois-là. Renaud a été très marqué. Mais non. je pense qu'au-delà du fait qu'il n'y avait plus de poulet, c'est vraiment toujours drôle de voir justement. Les commerçants qui ont aucune idée de ce qui va se passer dans leur ville, puis qui voient justement là, arriver comme des tonnes de joueurs de Magic qui veulent juste manger, puis qui ont... Oh, non, une tonne de gays qui veulent manger du poulet, c'est parfait. On adore ça. Exact. Dans le fond, je vous ai parlé en tout début là, qu'on pouvait peut-être bifurquer vers Worlds, mais le fait d'avoir parlé un peu de la scène régionale, des joueurs québécois, puis tout ça, ça me fait penser que... Bon, veux, veux pas, toi, t'es un joueur qui, Renaud aussi, mais vous êtes actif pas mal sur la scène compétitive, veux pas, un peu le but, j'imagine, Phil, que un de tes buts, c'est d'éventuellement jouer au Pro Tour, ça doit être quand même un objectif que t'as dans ta vie, là. Ben oui, c'est sûr que c'est toujours un but, mais comme je me dis, en fait, c'est que tu fais ce qu'il faut pour pouvoir peut-être te rendre là éventuellement, mais je veux dire, je fixe pas trop sur ce but-là parce que, justement, je veux juste avoir du plaisir, puis... Ouais. Mais parce que à chaque fois que tu fais comme un gros tournoi, tu sais, il y a c'est comme une très minime là, proportion des joueurs qui vont pouvoir justement se rendre jusqu'au Pro Tour, puis il y a très peu de joueurs qui peuvent se rendre là justement là, même si c'est leur but ultime. C'est pour ça que je me fixe pas trop comme but d'aller au Pro Tour. C'est sûr que je fais les efforts qu'il faut pour pouvoir le faire si ça fonctionne, mais à chaque fois que justement là, je me rends pas jusqu'à la finale ou que je gagne pas, ben c'est pas un échec. C'est sûr que c'est tout le temps ça le but. C'est comme quand tu fais comme un top 8 de PTQ, tu dis tout le temps que t'aimerais ça comme gagner, puis tu mets les chances de ton côté, mais je suis jamais amer là, de comme pas le faire, puis je suis toujours comme content pour la personne qui va se rendre, parce que c'est vraiment fou, parce que justement tu voyages beaucoup, tu vois beaucoup de personnes, puis tu les vois souvent. Tu les vois très régulièrement dans les mêmes événements, puis finalement, comme ça devient des amis où là, ben, tu les vois vraiment plus souvent, tu vois les gens de Drummondville, tu vois les gens de Québec, tu vois les gens de Montréal, puis c'est des gens que tu sais qui sont très dédiés eux aussi, puis comme quand ils vont justement là, faire leur percée, ben, t'es content pour eux, parce que tu sais, c'est sûr que je grind justement ces événements-là depuis comme assez longtemps, mais il y a des gens qui font encore depuis plus longtemps que moi, puis qui ont même pas eu leur proto. Mm-hmm. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Puis à chaque fois là, qu'il y a comme un gros proto là, comme à Hawaii, tu te dis bon, ce serait vraiment fou de faire celui-là parce que justement c'est des beaux endroits. Ouais. Mais il y a pas de mauvais endroits justement pour faire un proto. Puis c'est tout le temps quelque chose qui est tentant. Mais ouais, oui. Puis parlant de ça. Là, justement, la structure, parce qu'avant, pour se qualifier pour le Pro Tour, bon, il y avait plusieurs façons, mais une des façons typiques, c'était de gagner un PTQ. Donc, il y avait des PTQ, c'était, bon, souvent à Montréal, parfois un peu ailleurs, mais la seule façon dans un PTQ de se classer pour un Pro Tour, c'était carrément de gagner l'événement. Maintenant, ils ont changé tout ça. C'est comme s'ils rendaient ça un peu plus régional, d'une certaine façon, la première étape. Donc, il va y avoir des pré-PTQ, en quelque sorte. Et là, il faut que tu remportes le pré-PTQ finalement comme première étape, c'est ça? Exact. Dans le fond, les preliminary PTQ, des PTQ préliminaires vont être justement là, plus décentralisés. C'est-à-dire qu'avant, justement, tu avais juste certains organisateurs qui pouvaient faire des PTQ, puis maintenant, c'est vraiment la plupart des magasins là, qui sont enregistrés avec Wizard qui vont pouvoir faire ça. Au Québec, ça veut dire environ là, de 20 à 25 magasins qui vont pouvoir comme tenir leur propre petit tournoi, qui vont chacun d'eux rendre une personne éligible pour le PDQ, qui est régional, qui va justement là, inviter lui 4 personnes. Okay. Ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup plus de monde qui vont faire ces tournois-là. Mais au final, comme l'invitation va aller à une de quatre personnes de ce petit tournoi-là qui va être en fin de saison. OK, quand même. Fait que dans le fond, et là, la question peut-être à toi et à Renaud aussi, vous allez avoir plus de chances, dites-vous, parce que moi, j'ai pas mis le pied vraiment encore dans la scène compétitive, mais plus de chances de vous rendre dans un PTQ qui lui donne plus accès. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement de gagner pour avoir accès au Pro Tour, mais faut quand même, il va falloir faire beaucoup de tournois dans une année là, comparativement à avant. Combien de pré-PTQ tu prévois faire dans une année? Il va en avoir combien au Québec? Comment ça va fonctionner tout ça? Avez-vous une idée, les gars? Ben, je vais passer par la Renault. Je pense ouais, vas-y. Il y a environ pour cette saison-ci, c'est la première saison, que j'imagine que c'est les magasins qui étaient le plus actifs, qui se sont prévalus de leur chance de pouvoir organiser un préliminaire. Ça fait drôle de dire ça comme ça. Des préliminaires. Les préliminaires. Oui, c'est ça. Les préliminaires de qui? En tout cas. Ouais, ok. Donc il y en a à peu près 45 au Québec. Quand même. Mais une fois que tu as gagné un préliminaire, tu peux aller dans n'importe quel régional. Fait que si je suis en voyage en France pendant la fin de semaine du PTQ, puis que je suis qualifié par un préliminaire du Québec, ça dérange pas, je peux y aller quand même. OK. Fait que ça se peut qu'il y ait des joueurs d'ailleurs qui viennent à celui de Montréal. On ne sait pas combien exactement ils vont en avoir. Mais, comme par exemple ceux d'Ottawa, même s'ils ne sont pas au Québec, ils vont peut-être venir à celui de Montréal parce que c'est un petit peu moins loin que Toronto. Mm-hmm. Donc on ne sait pas combien, mais peut-être qu'il va y avoir une centaine de personnes. S'il y a plus que 128 personnes, c'est le top 8 au complet qui est invité au Pro Tour. Puis s'il y a moins que 128 personnes, mais là c'est juste le top 4. OK. Et est-ce que tu as... Si on prend juste ça, là, finale de PTQ, top 4 de PTQ, moi puis Philippe, on en a fait plusieurs. Fait que tu sais, c'est se rendre, si on se rend au préliminaire, si on se rend au PTQ en gagnant un préliminaire PTQ, j'imagine qu'on peut dire que les chances sont déjà un peu plus élevées que le PTQ régulier en tant que tel. OK, c'est ça. Et est-ce que une fois que tu as gagné un pré-PTQ, est-ce que ça te donne un ticket, une entrée pour un régional ou bien tu peux aller en faire tant que tu veux? Est-ce qu'on sait ça? Ça en donne un, puis ils ont tous lu le même jour, fait que il n'y a plus temps okay. Il va y avoir du couraillage, mais il n'y aura plus de cours. C'est ça, c'est un petit peu plate aussi, là, parce que c'était fort d'aller aux États-Unis faire des PTQ à Boston ou à... Mm-hmm. Ou au New Hampshire, dans le Vermont, c'était le fun, ça nous faisait visiter. Là, c'est des plus petits tournois, peut-être 25-30 personnes, qui n'auront peut-être pas le support de prix pour justifier de se déplacer. Ouais. Fait que peut-être que ça va nous enlever là, ces déplacements-là. Bon, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, je vais vous dire, là, parce que c'est quand même des gros déplacements, puis moi, ben, je peux plus vraiment les faire avec un enfant et tout ça. Ouais. Mais peut-être que avec cette nouvelle formule-là, ça peut ça va aider les magasins locaux, ça c'est sûr, à tenir des tournois compétitifs. Puis ça va aider les joueurs à ménager leur vie un peu, puis de se ramener sur terre, puis de faire moins de déplacements, puis de concentrer des déplacements pour des grands prix. OK, ouais, puis dans le fond, là, ça va vous permettre de faire la tournée des petits tournois plus que de faire, de courir les PTQ à grande, tu sais, justement à Boston, puis tout ça, dans le fond. Fait que ça va être un peu de faire les pré-PTQ un peu partout au Québec jusqu'à temps que vous réussissiez à gagner un pré-PTQ finalement. Ben, en fait, moi, comment je le voyais, c'est que, oui, c'est sûr qu'en début de saison, comme les joueurs qui vont vouloir faire ça vont être comme plus nombreux, justement, parce qu'il n'y en aura aucun qui va être qualifié encore. Donc, tu vas pouvoir comme te déplacer à plus grande échelle, faire plus de petits tournois. Mais c'est plus la classe comme avance, nécessairement, tu n'auras peut-être comme pas le nombre suffisant de joueurs pour comme valoir la peine comme de se déplacer à Montréal ou juste comme à Québec, puis de faire comme ces tournois-là, parce que je veux pas. Moi, ce que j'aimais bien de l'ancienne comme formule, pas nécessairement que c'est une meilleure formule, c'est juste que s'il y en avait moins dans un mois, disons, t'en avais peut-être un par mois, puis c'était des gros événements, justement, là, tu peux prendre comme toute la fin de semaine, puis dire, OK, cette fin de semaine-là, je fais un PTQ, puis c'est quelque chose qui rallait beaucoup de monde, puis qui était plus significatif sur le mois qu'un préliminaire, parce que ouais. Maintenant, tu vas en avoir un presque chaque fin de semaine, durant toutes les saisons, ce qui veut dire que tu sais, il faut vraiment que tu veuilles beaucoup là, si tu veux te qualifier pour le PDQ, il va falloir que tu t'en fasses beaucoup probablement parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir justement là, comme se qualifier comme dès son premier préliminaire. Ça c'est quand même assez difficile. Fait que à quel point est-ce que les joueurs veulent se qualifier, ben là c'est comme personnel aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça. C'est mettons comme pour moi en faire un chaque fin de semaine, ben oui, c'est sûr que ce serait presque idyllique, mais c'est pas pratique, là, justement, là. Parce que c'est sûr que c'est plus difficile quand tu dis qu'il y a juste une personne qui gagne son invitation pour le PDQ. Parce que justement, ben, il faut que tu gagnes l'entièreté de tout ce tournoi-là versus le top 4 là, pour la nouvelle comme formule. Sauf que de gagner un petit tournoi, ben reste que c'est quand même difficile. Parce qu'on peut, mm-hmm. En tout cas, c'est pas encore là, ça ressemble comme l'envergure de ces tournois-là. Ça se peut qu'il y en ait qui soient comme 30-40 personnes, ça se peut qu'il y en ait à 100-120 personnes. Mais en son, c'est pas. S'il y a 120 personnes pour un. S'il y a 20 personnes dans le préliminaire, c'est une chose. S'il y a 25 personnes, 30 personnes. S'il y a 120 personnes, mais c'est la taille d'un PTQ. Mm-hmm. Fait que si tu gagnes ça, ben, ouais. Puis qu'il y a une autre étape après, oui, en effet, là ça devient vraiment un recul sur nos chances de se qualifier, puis ça devient vraiment beaucoup plus difficile. Ouais, je comprends ça, puis dans le fond, j'entends aussi le fait que, ben, quand il y avait un PTQ, ben, c'était un événement, on le mettait au calendrier, on se déplaçait en gang, on y allait, on le faisait, puis ben, on a peut-être pas tant de chances de se classer pour le Pro Tour, mais l'événement en tant que tel était le fun, tandis que là, ça va être comme plein de petits tournois qu'on va peut-être essayer de grinder, mais qui seront pas nécessairement des tournois super le fun à faire, justement, en gang, puis tout ça, là, ça va être un peu plus individuellement, tu vas y aller quand ça va t'adonner, puis tu vas t'essayer une fois de temps en temps, puis... Fait que, ben, c'est intéressant quand même de voir, j'ai hâte de voir comme... Et ça, cette formule-là commence quand? Ça commence dès décembre, en fait. Là, je pense que le premier qui a été cédulé pour le Québec, c'est le 13 décembre, je pense. Okay. Puis on va l'avoir là, pour cette saison-ci. Elle va se terminer là, fin février. OK. Donc, quand même, la formule commence dès là. Et est-ce qu'on a, Renaud, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait mettre ça sur le site de la balado, peut-être si on a certains lieux, puis aussi les formats. Est-ce que ça va être standard? Les informations sont toutes sont rendues disponibles sur le site de Wizards directement. Okay. Ils ont sorti ça cette semaine, une compilation de tous les préliminaires. Ah ben génial, fait qu'on pourra partager ça sur la page de la balado. Ben, écoutez, messieurs, au début c'était stressant parce qu'on pensait qu'il fallait faire le par nous-mêmes, mais finalement ils ont colligé les données, ils ont mis ça disponible. Génial. Ben écoutez, messieurs, je voulais parler de Worlds et tout ça, mais je trouve que avec l'entrevue de Phil, avec le petit détour. Avec les pré-PTQ, je trouve que ça nous a fait une belle émission. Donc, je sais pas si vous avez des trucs que vous voulez ajouter avant qu'on... On peut toujours bien dire, Worlds, ça ben va commencer le 2. Le 2 décembre pour le World Championship. Ouais. Puis, ça commence... le 5 décembre pour le World Magic Cup. On va suivre Alexander Haine, puis ils vont jouer standard unifié, donc ça va être un petit twist sur standard, ça va être différent. Tu nous expliques ça en deux, trois mots, ouais, Renaud, c'est quoi? En deux, trois mots, ils sont trois à jouer en même temps, et ils ont chacun un deck différent, mais ils peuvent pas jouer ils peuvent pas jouer plus que quatre cartes de la même sorte dans les trois decks réunis, donc ils peuvent pas jouer trois copies du même deck ou... Mm-hmm. Ou même si c'est très bon, là, 12 copies d'Elspeth. Ouais, il peut, c'est ça. Il faut qu'ils fassent des choix, puis il faut qu'ils se séparent ça. Fait que ça change un peu des decks parce que, par exemple, Mardu, Midrange, puis Esper Control joue des Elspeth, joue deux ou trois Elspeth en side. ou main deck. Mm-hmm. Il pourrait pas jouer ces deux decks-là tels quels. Il faudrait qu'il change certaines choses. Ah, c'est intéressant. Ça change toute la metagame après ça, parce que ben oui. Si tu joues plus d'espèces dans ton deck mardu, ben là, t'as des choses à couvrir que tu peux plus couvrir avec espèces. Juste un exemple comme ça, juste ça rapidement. Ouais. Fait qu'on va suivre ça avec attention. Ben oui. Très intéressant. On ajoutera aussi sur la page le lien vers la page de Wizards qui nous donne un peu les informations, le nom des participants dans les différentes équipes, puis aussi les participants pour le. Tout à fait. Puis pour vos préliminaires PTQ là, qui s'en viennent, je vous mettrai une petite liste de standards que j'ai joué sur Magic Online dans la dernière semaine. Et puis j'essaierai de mettre un petit vidéo de moi qui joue une couple de parties de standards. Avec le deck de Blue White Red, mais avec des primazes. Donc, c'est ça. Donc, Excellent, ben oui. Pour rentabiliser l'investissement de Magic Online en partageant avec vous de l'information pour ben oui. vos tournois. Puis d'ailleurs, je pense que ça sent un peu l'épisode sur Standard. Là. On t'invitera pas, Phil, parce que je sais qu'il y a Standard. Là. Non, c'est pas si mal que ça. Mais je vous rappelle quand même que, justement, pour les préliminaires PDQ, la plupart vont être Standard. Donc, c'est toujours bon de rester à l'affût de ça, même si certains vont être sealed ou modernes. Ouais, donc si vous voulez suivre aussi les Worlds, moi en tout cas, je les écoute toujours sur twitch.tv, je sais pas s'il y a d'autres sites, mais ça va être diffusé la plupart du temps sur twitch.tv. Donc en conclusion, merci Phil d'avoir pris le temps d'être avec nous à Balado, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Je sais pas si t'es actif sur les réseaux sociaux en tant que joueur ou quoi que ce soit, je sais pas si t'as un Twitter de joueur ou rien pantoute. En fait, je suis sur Facebook comme tout le monde. Sinon, je te dirais que mon Twitter est très très peu actif, même si je vais essayer de travailler là-dessus là bientôt. Excellent, parfait. Renaud, toi, un petit mot pour finir, une petite blague de roue, quelque chose sur Twitter, et puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous dans le futur du haut de mon mont en Laurier. Excellent, ben merci. Donc, vous pouvez maintenant suivre la balado sur la page Facebook, comme je disais tantôt. Si vous voulez contribuer au site baladomagic101@wordpress.com, vous pouvez nous écrire à baladomagic101@gmail.com. Et sur ce, on vous souhaite une bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.